remerciera. On vit dans une époque germinale. La mort te fixe et t'enferme. Faut que je quitte cet enfer qui me l'interdira. À part le cancer en phase terminale, je suis dans un sale délire. Demain tu me remercieras. On vit dans une époque germinale. La mort te fixe et t'enferme. Faut que je quitte cet enfer qui me l'interdira. À part le cancer en phase terminale. 38, la vie m'apaisera comme un grand père dur. J'ai le bonheur d'un père masqué par un sourire triste. Je vois une boîte à souvenirs vite. J'aimerais t'en rattraper le temps perdu. Va falloir courir vite. Y'a trop de clowns et d'acteurs qui parlent bêtement et portent une marque parfaitement étalée sur le parquet. La face claque et pas la crasse marquée. Personne n'est parfait, ouais, et je sais parfaitement. J'suis pas tout seul dans ma tête, c'est un atroce tapage. Y'a que de l'amour même quand je te crosse la face. Tu me vois sourire, je me vois mourir dans l'heure. Courir dans l'œil d'un féroce rapace, je suis qu'un gosse capable. Et non, la lune ne se décrochera pas. On a tous des rêves, mais tous des règles. On a tous des maîtres et tous des legs. On est tous contraints de constater que le respect n'est plus de ce monde. C'est qu'on s'appare à tous contraints que les putes se montrent. J'aurais bien voulu prendre ma revanche comme Django. C'est raté. Et la chance est bonne à prendre banco. Mais y'a plus rien à gratter. Mis à part un trône de Barsal et quelques textes tordus. J'emmerde le père qui traite son gosse comme un clébard et s'étonne d'être mordu. Soyons transparents. On se met des races qui laissent des traces. Combien? Y'a plus de 130 parents. On tangue derrière ces portes battantes. Y'a pas que des débats tendres. Alors dites-moi pourquoi mon fils devrait grandir sans grands-parents. L'impact est inattendu. Et je fais ça sans but. Pareil que ça dépend du marchand de vue. Dans un système qui ne m'attend plus. Aucune main tendue. Allez viens, éteins le soleil en lui crachant dessus. Un craquement de plus pour un trac sans plus. Ouais j'en perds l'équilibre et c'est futile comme si la terre penchait. Encore du mal à déglutir pendant certaines pensées. Bah ouais. On n'attend pas la mort comme on attend le bus. Je suis dans un sale délire, demain tu me remercieras. On vit dans une époque germinale. La mort te fixe et t'enferme. Faut que je quitte cet enfer qui me l'interdira. À part le cancer en phase terminale. Je suis dans un sale délire, demain tu me remercieras. On vit dans une époque germinale. La mort te fixe et t'enferme. Faut que je quitte cet enfer qui me l'interdira.